En endossant le rôle du rebelle urbain de la culture rap, ces jeunes croient trouver une identité qui en réalité les ramène à des caricatures qui confortent le public et les médias dans leurs pires préjugés.